Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1, Valérie Levé au microphone. Et nous allons maintenant nous plonger dans un sujet très, très rarement abordé à Futur Simple et qui pourtant nous concerne tous de très près, la ville. L'urbanisme, c'est aussi un sujet de recherche, mais que sait-on en fait de ces recherches en urbanisme sur les formes urbaines ou sur ce que devrait être ou ne pas être une ville ? Urbains que nous sommes et politiciennes qui prennent des décisions, nous devrions regarder de plus près ce que dit la recherche en urbanisme. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, mais aussi au fil des saisons avec notre nouveau chroniqueur. Il s'appelle Éric Rivard. Bonjour Éric. Bonjour Valérie. Alors en premier, pour que les auditeurs sachent qui est derrière cette nouvelle voix et qui va parler d'urbanisme, je te proposerai de te présenter rapidement. D'accord. Ben, avant tout, je suis un architecte. J'ai étudié ici à l'Université Laval. Je suis aussi un designer urbain et maintenant j'enseigne comme chargé de cours à l'Université Laval en design urbain, donc en parallèle avec ma pratique privée. Mm-hmm. Je suis très intéressé par, évidemment, toute la recherche qui concerne à la fois l'architecture et la ville. Donc, je suis membre de groupes de recherche à l'université, dont le GIRBA, qui est le groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues. Et oui, on fait de la recherche sur les banlieues. On fait de la recherche sur les banlieues, donc c'est évidemment toute une sphère de la recherche qui est assez méconnue quand même, parce que on entend beaucoup plus parler des projets de recherche, disons, de sciences appliquées ou de sciences dures et beaucoup moins de tout ce pan de sciences qui est beaucoup plus proche de la science sociale, en fait. Mmh. Ben, c'est pour ça que je suis bien contente qu'on t'accueille au micro pour pouvoir nous raconter un petit peu tout ce que dit cette recherche en architecture, en urbanisme, sur les banlieues. Et pour cette première chronique, tu as choisi de nous parler de la qualité urbaine. En fait, quelles sont les qualités d'une bonne ville? Oui, c'est assez large quand même, oui. Mais en fait... D'abord, pourquoi s'intéresser à la ville? Et puis, c'est ce que vous m'avez proposé d'aborder dans plusieurs chroniques. Donc, d'abord, il faut comprendre qu'on est face à une urbanisation galopante en ce moment partout sur la Terre. Donc, en 1800, il y avait 3,4% des citoyens sur la Terre qui étaient considérés comme des urbains. En 1900, ça montait tranquillement, on était 15% d'urbains. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est plus de 50% des habitants de la planète sont des urbains et l'ONU projette qu'en 2025, on sera entre 65 à 85% d'urbains, donc de citoyens qui vont habiter dans ce qu'on peut qualifier de la ville, donc la ville au sens large qui inclut la banlieue notamment. Donc, on pourrait penser que ça peut être assez intéressant de s'intéresser donc aux qualités de la ville parce que sachant qu'il y a de très nombreux de nos concitoyens qui habitent dans ces milieux-là. Et le design urbain, qui est une discipline assez jeune et assez méconnue, s'intéresse justement aux qualités de la ville. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien dans une ville, qu'on peut y avoir de saines habitudes de vie, qu'on peut s'y habiter, travailler, se récréer dans cet espace-là de façon confortable. Donc, le design urbain s'intéresse beaucoup à la conception, la façon dont on compose les milieux bâtis. Puis on pourrait penser que c'est toute une sphère qui est presque exclusivement basée sur les jugements de valeur. Oui, c'est ça. On pourrait penser que c'est juste de l'esthétisme, finalement. C'est beau, c'est pas beau, mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Et donc, c'est la pertinence de la recherche en design urbain et en urbanisme en général, c'est d'essayer d'établir finalement des critères pour savoir qu'est-ce qui fait qu'une ville est la bonne ville, est une bonne ville. Donc, évidemment, au fur et à mesure de mes chroniques, je pourrais aborder certains sujets peut-être un peu plus pointu, notamment la banlieue, on va y revenir, mais je trouvais intéressant de mettre la table aujourd'hui avec vraiment un peu ce qu'ils font, en tout cas, entre autres, à l'Université Laval, le cœur de notre recherche en design urbain, qui est un chercheur qui s'appelle Ian Bentley, qui, avec son groupe de chercheurs de Oxford, a mis en place en 1985 un ouvrage qui s'appelle Responsive Environment, donc, et qui déterminait avec les chercheurs, sept qualités fondamentales de la bonne ville. Et c'est à partir de ces sept qualités-là qu'on peut penser qu'une ville est bonne ou mauvaise, finalement, ou anti-urbaine, ou qu'elle ne nous aide pas à avoir une belle qualité de vie. Mais là, 1985, ça fait quand même pas mal d'années. Est-ce que c'est toujours d'actualité de prendre les critères définis par ce Ian Bentley? c'est tout à fait d'actualité. Oui. Puis vous verrez, je vais vous les présenter. Puis après, il y en a peut-être qui connaissent le Walk Score, qui est un outil très présent sur Internet aujourd'hui. Par exemple, quand les gens se cherchent un appartement, ils vont pouvoir déterminer le pointage. Le Walk Score, c'est le pointage qu'un quartier donné peut donner. Donc, pour la marchabilité, c'est un nouveau terme qu'on traduit, qu'on invente. Si c'est marchable, si le quartier est marchable. Et il y a même maintenant le Bike Score, il y a le Transit Score. Et étonnamment, dans ces moteurs de recherche-là, les critères dont on se sert pour faire la pondération sont les critères de l'équipe de Ian Bentley. Ah oui. Ce sont des indicateurs qui sont extrêmement actuels encore aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous donne quelques exemples. Ben oui. Le premier critère, en fait, il y en a trois qui sont vraiment majeurs. On dit qu'il faut des trottoirs pour que ce soit marchable. Exactement. Mais donc, au-delà de ça, la perméabilité, c'est finalement la qualité qu'a un tissu urbain. Quand on dit tissu urbain, là, c'est vraiment la façon dont la ville est conçue. C'est pour ça qu'on compare un peu avec le tissu des un maillage. Le maillage, exactement. Donc, c'est la métaphore du maillage des vêtements. Donc, le tissu urbain, c'est la façon dont le tissu permet de se déplacer avec une multitude de choix. Donc, évidemment, là, un quartier qui serait rempli de cul-de-sac serait un quartier non perméable. Et là, vous commencez à voir apparaître plein de types de banlieues qu'on a construites un peu partout en Amérique avec des endroits finalement où rapidement on se dit, bon, la meilleure façon de se déplacer, c'est la voiture parce que les distances sont trop longues, même si la distance... Ça tournicote, mais il n'y a pas moyen d'aller dans la rue derrière parce qu'il faut faire tout un détour tournicotis, là. Exactement, c'est ça. Donc, avec la perméabilité, c'est un principe de base que l'équipe de Ian Bentley a permis de démontrer que la perméabilité d'un tissu urbain va directement influencer nos choix, donc la quantité de nos choix, notre sens de l'orientation. Plus un quartier va avoir une trame de rue régulière avec des intersections fréquentes et le plus orthogonal possible, plus on va se repérer extrêmement intuitivement, facilement. Ça va nous permettre finalement d'augmenter notre nombre de choix de déplacement. Et ça, c'est très intéressant quand on pense, par exemple, à un quartier comme où on se trouve en ce moment, comme Limoilou, où non seulement il y a une trame extrêmement régulière qui a été basée sur la trame de New York à l'époque, mais en plus, avec le réseau de ruelles, on a même... Ah oui, on passe à travers. Exact. Ouais. On a même un deuxième réseau qui se superpose, qui augmente la perméabilité. Mm. Et donc, cette qualité-là est fondamentale. Et lorsqu'on tente d'intervenir dans certains milieux, ben, on va tenter d'améliorer ou d'augmenter la perméabilité. Mm-hmm. Parce que je me disais peut-être que la marchabilité, ben, ça dépend, comme je l'ai dit un petit peu naïvement, de la présence de trottoirs. S'il n'y a pas de trottoirs, comme en banlieue, des fois, il y a des endroits où il n'y a pas de trottoirs, on n'a pas envie de marcher. Ou si ils sont tout petits, ou si les voitures nous passent à 70 à l'heure à côté de nous, on n'a pas envie de marcher. Est-ce que c'est des critères qui sont pris en compte? Dans les indicateurs de le Walk Score que je parlais au début, la marchabilité, il y a des indicateurs de sécurité qui sont aussi ajoutés dans l'agrégateur. Là, on parle vraiment d'un agrégateur d'énormément de facteurs. C'est un algorithme assez complexe. Mais Bentley, lui, pense que cette notion de sécurité provient déjà des 7 facteurs qu'il met en place. Donc, la sécurité ne se retrouve pas parce qu'elle découle de ces 7 qualités-là. Puis vous verrez, au fur et à mesure que je vais vous nommer ces 7 qualités-là, vous allez comprendre qu'en réalité, évidemment, si on atteint optimalement la ville parfaite, où on a des super pointages dans chacune des qualités, bien, on obtient finalement la sécurité. Ça nous amène deuxième critère de milieu urbain qu'identifie Ian Bentley, c'est la variété. Et là, ça, c'est très intéressant parce qu'il faut comprendre que les recherches en design urbain et même la discipline du design urbain naît beaucoup en réaction avec l'urbanisme des années 50-60, où on considère la ville à cette époque-là plutôt comme une machine. On tente d'organiser la ville beaucoup, beaucoup autour de l'automobile en se disant, bon, une bonne ville doit être un peu comme une machine. Et à cette époque-là aussi, on fait du zonage fonctionnel avec des très, très grandes parties de la ville, avec des usages uniques. Et vous pouvez penser, il y a des endroits, c'est ça, il y a les cités dortoirs, il y a l'endroit où vous vous déplacez pour aller travailler, les pôles d'emploi où on travaille. Les parcs industriels sont un très bon exemple, mais on peut même aller plus loin en se posant des questions sur un campus, universitaire, un centre d'achat, une colline parlementaire, où finalement tout le monde obéit à peu près aux mêmes horaires et où il y a presque exclusivement une seule fonction. Et ça, donc, en identifiant la variété comme un des principes de base cause de la bonne ville. Ian Bentley et son équipe indiquent que finalement, plus on a une variété de fonctions, d'usages, d'activités et même de formes dans un milieu, ça va influencer encore une fois la qualité des choix qui sont offerts aux usagers. Donc, dans un même milieu, on va pouvoir à la fois travailler, dormir, aller manger, étudier. Et donc, une bonne ville devrait être une ville très, très variée. Et ça, c'est intéressant, mais ça va même jusque dans les formes. C'est-à-dire que si on revient encore une fois à la banlieue, c'est une ville dans laquelle on a construit des quartiers entiers avec une seule typologie de logement, souvent le fameux bungalow. Voilà. Et après ça, on s'étonne que dans ces quartiers-là, ben, en même temps, il y a eu des familles, des jeunes familles qui sont toutes arrivées en même temps, c'est la clientèle qu'on visait. Et en même temps, tous les enfants ont quitté l'âge scolaire et on s'est retrouvés avec des quartiers vieillissants. Et c'est ce dont on fait face aujourd'hui. Donc, en plus, on peut penser que des quartiers non variés, au niveau même typologique, au niveau de la typologie du bâti, amènent finalement des villes à perdre énormément de leur vie au quotidien. La vitalité. C'est ça, parce que c'est même la même tranche d'âge qu'on retrouve dans ces quartiers-là. Donc, tout le monde va vieillir en même temps. C'est ça. et ça se fait à l'opposé. C'est-à-dire que des villes où on construit, par exemple, que des gratte-ciels vont aussi interpeller une certaine frange de population et on cause exactement l'effet inverse. Donc, Bentley dit oui, dans les quartiers, il devrait y avoir des commerces, des services, des écoles, des milieux de travail, du résidentiel, mais il va plus loin en disant même au niveau du résidentiel, il devrait y avoir de la mixité de typologie, donc des appartements, des plexes, peut-être des maisons de plus faible densité, mais aussi des maisons de plus forte densité pour varier même le type de population qui va se retrouver. Donc, pour Bentley, un quartier réussi, une ville réussie, c'est une ville dans laquelle on va retrouver plein de types d'individus avec des profils variés aussi. Donc, la mixité qu'on entend souvent parler découle directement de la variété que Bentley identifie comme étant une qualité fondamentale. Et c'est vraiment en réponse à l'urbanisme moderne, donc l'urbanisme des années 50-60, où on a tenté de monofonctionnaliser certaines parties de la ville. Il faut aller à contresens maintenant. Tout à fait, il faut aller à contresens et il faut comme réparer ces quartiers-là en essayant d'introduire une dose de variété. Et c'est souvent pas facile à faire lorsque ça n'a pas été planifié au départ. Mais ça nous amène à toute une autre sphère aussi de la recherche qui est extrêmement intéressante, qui est le chrono-urbanisme. Le chrono-urbanisme, c'est le fait que finalement, la ville, il y a des temporalités différentes dans la ville et la ville vit à des moments différents selon les endroits où on est. Je vous donne des exemples très, très simples. Prenez autrefois l'église. L'église avait des périodes d'achalandage très, très, très fortes, c'est-à-dire au moment de la messe. Et le dimanche matin. Le dimanche matin, par exemple. Tout le reste de la semaine, c'était pratiquement désert, on pourrait dire, et aujourd'hui encore plus. Et il y a plein de morceaux de ville comme ça, donc, qui induisent des temporalité dans les habitudes et qui fait qu'il y a des morceaux de ville qui ne servent qu'à des moments donnés dans tout le... Ça veut dire que c'est pas efficace. C'est pas efficace parce qu'on construit des routes, des infrastructures pour peut-être finalement 15 heures par semaine, 20 heures par semaine, 60 heures par semaine, alors que la semaine compte beaucoup plus d'heures. Et ça, c'est extrêmement intéressant et on peut présumer encore une fois que la variété dont parle Bentley amène à avoir des morceaux de villes et des villes beaucoup plus intéressantes au niveau de l'utilisation qu'on en fait dans le temps. Et ça, c'est quand même intéressant. Et cette sphère de la recherche-là du chrono-urbanisme est passionnante. C'est très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs qui ont écrit là-dessus et qui ont constaté qu'il y avait ces morceaux de villes-là qui obéissaient pas aux mêmes horaires que les autres morceaux de villes. Parce que là, finalement, j'ai l'impression que ça pourrait déboucher un peu sur tout ce qu'on... sur l'étalement urbain, parce que finalement, ça revient à dire qu'on gaspille du territoire. Si les espaces urbains sont aménagés de telle sorte qu'on ne les utilise que 15 heures par semaine, puis qu'un autre lot de terrain urbain, territoire urbain, on l'utilise à 20 heures par semaine, ça veut dire qu'on gaspille, on ne les utilise pas à pleine capacité. Exactement. Donc, on gaspille du territoire. Exactement. En principe, on pourrait penser qu'une bonne ville, ça serait une ville qu'on utilise 24 heures sur 24. On pourrait penser ça. Donc, quand vous parlez d'un quartier dortoir, par exemple, c'est où on va que dormir, on s'en sert donc que 10 heures par jour. Donc, ça réduirait l'étalement urbain si on arrivait à mieux rentabiliser, mieux utiliser pleinement le territoire. Tout à fait. Donc, vous voyez directement comment ces recherches-là peuvent amener des pistes pour rénover les banlieues, reconstruire la ville sur la ville, parce que ce sont des territoires qui sont aujourd'hui urbanisés et on est capable d'induire des transformations dans ces milieux-là tout simplement. Par exemple, en injectant une dose de variété. Donc, c'est quand même intéressant. Ouais. J'imagine qu'une bonne ville serait aussi une ville où il n'y aurait peut-être pas de quartier pauvre à côté de quartier riche. Est-ce que ce serait bien qu'il y ait une mixité aussi au niveau de... La mixité sociale, vous parlez. C'est ça. Tout à fait. Et elle est elle est directement liée à la typologie des logements. C'est directement lié parce que finalement, les motivations résidentielles de notre ménage sont induits de plein de valeurs que nous avons, selon le lieu où on a grandi, selon notre profil sociodémographique, mais ça nous amène à vouloir choisir un lieu d'habitation qui fait que, si par exemple dans un quartier, il y a un parc immobilier locatif avec des très petits appartements, c'est peut-être que là qu'on va retrouver le plus de personnes seules, par exemple, ou de personnes à petits revenus, par exemple. Si on a un quartier en opposition avec des monster house, donc ces espèces de maisons-châteaux très, très chères à l'achat et exclusivement dédiées aux propriétaires, on retrouve d'autres types de ménage. Et donc, cette mixité dont vous parlez, sociale, est aussi liée directement aux formes urbaines et donc aux typologies. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est un autre axe de recherche qu'on aura peut-être l'occasion de s'en parler. Tout l'axe de la morphologie urbaine, qui est une école, entre autres l'école italienne qui a travaillé longtemps, est extrêmement riche comme axe de recherche. Puis je suis certain qu'on aura l'occasion d'y revenir dans une autre chronique. Alors, poursuivons sur les 7 critères de Yann Bette. Oui, donc on a vu déjà les plus importants de la perméabilité, la variété. La troisième, et aussi dans les plus importantes, c'est la lisibilité. Et là, ça, c'est très intéressant. La lisibilité, c'est l'idée que les usagers vont comprendre le milieu dans lequel ils se trouvent avec une série d'indices. Par exemple, si un bâtiment ressemble à une église, c'est parce que c'est une église. Si un bâtiment ressemble à une école, on comprend que c'est une école. Et ça va jusque dans le fin détail. Et donc, le manque de lisibilité, toujours selon l'équipe de Yann Bentley, va amener un manque d'ordre, des obstructions visuelles. Parfois, ça va être causé par une très, très grande uniformité ou une très, très grande homogénéité du paysage bâti, ce qui va amener une certaine banalisation, un anonymat, des lieux qui vont souvent devenir des lieux de passage. Pensez à tous les boulevards Amel de ce monde, boulevard Sainte-Anne, où finalement cette homogénéisation a fini par banaliser complètement le paysage, parce que finalement il y a un manque total de lisibilité. C'est très difficile de s'orienter même dans ces milieux bâtis-là, évidemment. On a aussi des grands problèmes de perméabilité, puis ça on en a déjà parlé, mais la lisibilité, c'est vraiment la qualité qui fait que la ville va nous donner assez d'indices pour qu'on puisse s'y repérer. Et là, il y a un chercheur extrêmement connu qui s'intéresse à la psychologie cognitive dans les milieux bâtis qui s'appelle Kevin Lynch. Et lui aussi, c'est un chercheur qui commence à dater, mais on l'enseigne encore dans les universités parce qu'il est extrêmement pertinent. Lui, il a inventé l'imagibilité, c'est-à-dire cette qualité de la ville qui crée une image mentale très, très forte et qu'on est facilement capable d'identifier. Et là, si vous parlez à quelqu'un du vieux Québec, il va tout de suite savoir le vieux Montréal, il va tout de suite avoir une image en tête, le Mont-Royal, le Château Frontenac à Québec, c'est ça, on va tout de suite associer des images très très fortes, et donc un lieu qui est lisible est aussi un lieu qui a une image facilement reconnaissable. C'est pas obligé d'être des paysages extraordinaires comme ceux qu'on vient de nommer, ça peut être aussi le quartier Limoilou, qui n'est pas ce qu'on pourrait qualifier d'un paysage extraordinaire, mais qui est un paysage avec une très très forte imagibilité, et quand on est à Limoilou, c'est clair, on est à Limoilou, c'est très clair, on est capable de comprendre face un bâtiment, il y a combien de familles qui y vivent, on comprend aussi que c'est du résidentiel, il n'y a pas d'équivoque. Et ça, c'est très intéressant. Et ça amène aussi beaucoup de gens à avoir des jugements esthétiques très sévères face à certains bâtiments en architecture. Par exemple, une construction toute refermée sur elle-même, les gens tout de suite vont juger ce bâtiment-là comme étant un bâtiment laid, mais en réalité, ce qu'ils sont en train de juger, c'est l'absence de lisibilité, c'est qu'ils ne sont pas capables de comprendre qu'est-ce qui est à l'intérieur du bâtiment. Ils ne savent pas si c'est un édifice à bureau, un hôpital ou une prison. Et ça, c'est très grave. Ça devrait quand même, l'architecture devrait quand même communiquer, et c'est la qualité de lisibilité. perméabilité. Donc, une fois qu'on additionne ces trois qualités-là fondamentales, perméabilité, variété, lisibilité, on a déjà des villes qui sont extrêmement riches. Ouais, ça donne de quoi travailler quand même. Ça donne de quoi travailler, voilà. Et je vous rassure, il y en a, hein. C'est pas négatif, là. Il y a des villes qui sont très bonnes. Ensuite, bon, il y a une série de petites qualités, il en reste quatre. Il y en a une qui est très difficilement... c'est très difficile à traduire, c'est la robustesse. Donc, c'est vraiment robustness, là, en anglais, robustesse. En fait, ce que Bentley veut dire par la robustesse, c'est la flexibilité de l'espace public. Donc, Bentley s'oppose à la question de créer des lieux, comme par exemple des parcs, où on ne peut que faire une activité, ou de créer un espace public où on ne peut que faire une activité. Donc, moins un espace est flexible, moins il est robuste, mm-hmm. selon Bentley. Donc, on ne peut pas le convertir, on ne peut pas le transformer. Et même de façon spontanée, c'est-à-dire de ne pas tout planifier, qu'un lieu puisse accueillir à la fois des skateboarders, à la fois un marché public, à la fois un rassemblement, ou à la fois juste des flâneurs qui vont se promener le dimanche. Et ça, des lieux publics qui sont capables d'atteindre cette qualité-là sont extrêmement intéressants dans la ville. Donc, c'est la robustesse. Mais on peut le dire en français, c'est plutôt la flexibilité des lieux. Et ça s'applique à toutes les échelles de conception, c'est-à-dire que même en architecture, un bâtiment devrait être flexible. On devrait pouvoir prévoir qu'une résidence de personnes âgées puisse devenir quelque chose d'autre après. Parce que, encore une fois, si on dédie des bâtiments à un seul usage très, très ciblé, les courbes démographiques étant ce qu'elles sont, on peut rapidement avoir un parc immobilier désuet, par exemple. Donc, la robustesse, c'est vraiment intéressant. Et Bentley va plus loin. Il dit que la ville a même une façon de se construire. Donc, le fameux tissu urbain dont on parlait tout à l'heure, le maillage des rues, des îlots, des lots, peut amener cette robustesse-là. Donc, la façon même qu'on va diviser le territoire pour faire le lotissement va pouvoir induire une certaine robustesse. Si, par exemple, dans un quartier, on fait des lots très, très, très petits, très serrés, donc très, très près de la rue, après ça... Il n'y a pas de place, il n'y a pas de marge. Exact. Une fois qu'on a fait des maisons individuelles détachées sur ces terrains-là, il ne pourra plus jamais y avoir rien d'autre. Donc, une bonne ville devrait être une ville robuste. Ça, c'est une qualité assez importante. De la même façon, Bentley amène des qualités qui sont plus mineures. Le caractère approprié revient un peu de ce qu'on parlait tout à l'heure, donc la justesse visuelle, le fait que les bâtiments nous donnent les bons indices. L'appropriation et la personnalisation est une autre qualité extrêmement importante qui va permettre aux gens dans l'espace urbain, à la fois dans la sphère résidentielle, mais aussi dans la sphère de l'espace urbain, de s'approprier le lieu. Donc ça, c'est quand même sentiment d'appartenance au quartier. Sentiment d'appartenance, mais aussi de pouvoir laisser sa marque, de personnaliser. Et donc là, vous pouvez penser que c'est beaucoup plus facile, par exemple, même dans un exemple très concret, le petit seuil, le petit perron avec le tapis bienvenue, très difficile à faire ça dans un grand ensemble immobilier avec une tour, par exemple. Donc, la personnalisation va aussi dépendre directement des formes urbaines. Et finalement, la septième qualité, c'est la richesse. Et c'est pas une question d'argent, c'est vraiment la richesse visuelle, la richesse des aménagements, et ça relie encore une fois la variété. Puis là, pensez à toutes les villes d'Europe que vous avez aimé visiter. Il y a une richesse visuelle, un souci du détail dans les corniches, la composition des garde-corps, la composition des escaliers, et toute cette richesse visuelle-là fait qu'on se sent bien dans ce lieu-là. Donc, voilà pour les sept qualités de Ian Bentley. J'ai l'impression qu'on les a prises vite et qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Écoutez, chacune de ces qualités-là est un cours en soi à l'université. Donc, on a passé extrêmement vite. Mais ce qui est intéressant, puis là, on revient à notre agrégateur du début, c'est que tous ces indicateurs-là peuvent être mis en commun dans des indicateurs maintenant avec les nouveaux médias qu'on a. Puis c'est ça, c'est vraiment galopant la recherche en design urbain en ce moment à cause de ces médias-là. Il y a par exemple des groupes comme Google qui crée des nouveaux quartiers à Toronto basés simplement sur des indicateurs, et en agrégeant toutes ces données-là, tous ces indices-là, on peut arriver à trouver par exemple des nouvelles qualités comme la marchabilité. En agrégeant comment et par quels moyens? En fait, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à mettre en place finalement ces qualités-là ensemble, puis ils donnent carrément des notes, donc dans chacune des catégories, connectivité, perméabilité. Est-ce qu'on peut le modéliser? Il est déjà modélisé, c'est ça. Est-ce qu'on peut mesurer sur un quartier existant, mais est-ce qu'on peut le modéliser sur un quartier qu'on va construire? On peut le faire, ah, oui, on peut le simuler. Ouais. Je vous donne des exemples. Par exemple, à Québec, là, un quartier comme Limoilou a un walk score, donc un indice de marchabilité de 89, c'est sur 100. Alors que si vous regardez la ville de Lévis dans son ensemble, elle a un indice de marchabilité de 30 %. Donc, la conclusion des chercheurs, la ville de Lévis est une ville où les gens sont dépendants de la voiture. Et ça, c'est quand même intéressant, ouais, parce que ça permet d'évaluer très rapidement les qualités d'un quartier. Ben, c'est fort intéressant. Hein. Je pense qu'on va avoir des belles discussions. Tout à fait. Puis maintenant qu'on connaît les qualités d'une bonne ville, ben, quand on va se promener dans notre quartier, on va peut-être pouvoir juger un peu si notre quartier est marchable ou s'il est perméable. Ouais, voilà. lisible. On va pouvoir reprendre ça et se faire un petit peu un jugement. Merci beaucoup, Eric. Ça m'a fait grand plaisir. Donc, nous étions en compagnie de Eric Rivard, architecte, qui va donc poursuivre ses chroniques au fil des mois.